bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Pour ceux qui sont abonnés Facebook, vous savez que on a un petit spécial Cellar Noise aujourd'hui. Et ça va être la première demi-heure, on entame avec ça. C'est quatre extraits du nouvel album qui va paraître le 20 septembre, donc vendredi prochain, l'album sera disponible. Et bon, c'est comme une petite première pour nous. En fait, je pense qu'on est les premiers à diffuser ces pièces-là. Donc, on est bien contents. Et c'est l'album Nautilus. Et puis, ben, on va avoir aussi des commentaires des musiciens du groupe. Certains musiciens comme, je sais qu'Alessandro et Francesco vont parler un peu de l'album. Et on a bien d'autres choses ce soir, plein de belles nouveautés. Donc, on ne perdra pas plus de temps. Ouais, on commence avec Cellar Noise et un petit commentaire et de la musique qui suit. Hi, I'm Nick, Cellar Noise keyboardist, and I'm gonna talk a little bit about the song Under My Command. It's one of the three longest and most complex songs of this new record. I written and arranged the music while our singer Francesco wrote the lyrics. Under My Command talks about a man who tries to run away from society because of his inability to build the relationships with other people. He dreams about himself having the forces of nature under his control in order to destroy everything and everyone. But then he finds himself completely alone. And so he understands that he actually needs all the things and all the people he wants to erase from the earth. The lyrics fit quite well with the music. We have a first part, which is slow and melodic, followed by a more rhythmic section, which becomes symphonic with the epic strings coming in. I've been inspired by King Crimson for the arrangement of this part, by the way, especially for the use of the mellotron violins, which can be found into songs like, for example, Epitaph or Starless, which I really love. Then the atmosphere becomes, let's say, introspective and sad for a while, but suddenly here comes a deep and strong Moog Taurus bass pedal with the hellish choir, the mellotron choir, and then we have the apocalyptic climax. The final scream of desperation, let's say. I really love this song. I think it's one of the best songs I ever written, and I hope you will enjoy it. Judges who staring back try to suffocate you. The air is calm tonight. The owls observe the world. Only you understand me and don't expect a goddamn thing from how I behave. If you react to the things I say, I never see that for you. I'm only a mistake, the usual mistake. We'll to each word, so out of place. Even at home, even with friends I've known for years, somebody said, this is not real, hiding from you. Now I am through, given the choice on who to scorch, on who to destroy. For the first time, the answer is you. The stars will listen to the curse I cast. They will be under my command. My life will cease to be a holy. Premier extrait donc pour Cellar Noise de l'album Nautilus. Et puis, bon, c'est ça, Bruno, je suis en train de lui demander de mettre un petit pause pour pas qu'on perde. Et puis, ben, c'est ça, comme je vous disais, on va revenir. c'est de la cuisine interne. Oui, donc. Un second album pour cette jeune formation italienne qu'on a eu la chance de voir à l'œuvre il y a un an. Ben, je veux dire, oui, pas en mai dernier, mais mai 2018, donc, je pense, sauf erreur. Et puis, on avait pu voir à ce moment-là que le groupe était un petit peu comme en transition. Il y avait un côté plus prog, puis un côté plus, comme eux appellent, prog moderne, et c'est ce qu'on constate d'ailleurs à l'écoute du second essai, le Nautilus. C'est tendance d'ailleurs, les gars vont en parler tantôt, là, il y a eu comme un peu de... Mettons que Steven Wilson a été une source d'inspiration pour certaines pièces, ils vont en parler. Et il y a un invité surprise sur ce disque, c'est Laura Mead qui chante sur la pièce Her, qu'on va avoir, ça va être la dernière pièce qu'on va écouter ce soir, la quatrième, la chanteuse de Is. Et le lien, tout simplement, c'est que les gars ont vu Laura chanter au festival, et puis, ben, quand ils ont eu besoin d'une chanteuse pour une chanson, la première qui leur a mis en tête, c'est Laura Mead, qui avait vu à l'œuvre et qui trouvait qu'elle possédait une voix tout simplement superbe, on est d'accord. Et puis je peux vous dire que la pièce est vraiment, elle aura fait du beau travail pour cette pièce-là, c'est vraiment superbe. Bon, alors, je l'ai assez dit, vous êtes à l'écoute de Terrain Incognita, spécial Cellar Noise pour souligner la parution imminente de leur second album. On continue donc en musique et en entrevue. Hi everyone, I'm Francesco, singer and writer of the lyrics of Cellar Noise. Today, I'll share with you some infos about our song, Nautilus. This is maybe the most accessible song in our repertoire, and it was composed by Loris, our bassist, and me. We wrote the main structure of the song together, and then we built the musical arrangement with the whole band. The first part of the song is heavily influenced by Porcupine Tree and Steven Wilson's music, with acoustic guitars and electric guitars filtered with a Leslie amplifier. Then it comes the second part, a heavier, darker guitar riff, accompanied by a distorted organ. After a special with the voice and acoustic guitar filtered, the finale discloses into a bright and radiant section with a big choir, before completing the circle with an atmosphere that recalls the intro. The name of the song, that is also the name of the album, is a metaphor for the minds of people who suffer from anxiety, paranoia, and other mental issues. From the outside, they could appear twisted and convoluted, always ready to withdraw from the events of everyday life like a mollusk does in order to defend itself. But if you look closer and give yourself the time to really know those people, you'll discover that they are just like anyone else. They share the same possibilities as you, just like the Nautilus shell contains the golden ratio in the form of a Fibonacci spiral. The protagonist of the song is a man afraid of going out of his own house, who fights against the part of him that struggles to be free. In the end, he seems to reach a revelation, but his fear kicks in again and ties him to the same old life. I personally love this song, perfect for a single. I hope you like it too. Knock, knock in vain. I just want to pretend that I can't hear you. Knock, knock in vain. At some point you'll have to go away. We'll be right back. Hello there, I'm Loris, the bassist of the band. With this message I'd like to talk about the song The Creator, together with my brother Eric. This is the first song of the album, and actually the first song we've wrote and arranged. Its origin dates back some months after the publication of A Light, our debut album. And at that moment, all the five members of the band put their ideas during the writing process. Musically speaking, the song is divided, I would say, in three different moments. After the aggressive intro with distorted guitars and organ, you can hear a very melodic verse played with acoustic guitar. The lyrics, sung and written by Francesco, talk about a man and his addiction to the social media. He is desperate to receive appreciation from the people on the web. He needs to feed them, and because of that, he considers himself a creator. With the song Moving On, you can also feel his anxiety growing more and more. After the verse, there is a sort of chorus, made with a recurrent riff, matching the anger of the lyrics. The second part of the song starts with a very rhythmic part played by drums and bass only, in order to become more and more aggressive. Hi guys, I'm Eric, the drummer. Actually, creator, it's the only song that starts with the drum intro. By the way, the lyrics of the central part consist of real comments taken from a YouTube video and are really aggressive. Then there is a heavy guitar riff followed by a synth solo. When the synth stops, the guitars continue playing a riff while the drums start moving the accents in a progressive and interesting way, I think. The song stops, resuming with a mellow voice and piano section, and ends with a climax that recalls the style of our first album, A Light, and reaches its maximum level at the very end, when the guitars return hard and the drum fills are fast and heavy. From the table, dust, desking, and collect pieces of glory from the web. For a creator, it's not an easy job. I have a reputation to uphold. What would they do if I didn't feed them? If I didn't tell them what's funny and what is not? I'm a serial type artist. I eat and spit. What if I'm without chewing? That's my thing. I have the right pill to keep from getting bored and waste your time with no remorse. What famous creator of memorable moments between your scrollings? My craving for recognition starts to bite. Raise your sound tonight. Made rage, fear on this page. We're all shapeshifters, we're liquid if you want. We are kids who will never want to grow. So, if you disagree down below, I could shatter. We'll be right back. fucking clickbait cunt. Hope you die, retarded idiot. First, this pic reminds me of my life. Depressing and pointless. Sub for sub. Have you ever thought about suicide? Give up making shit like this. It's time to fuck up. Spécial Cellar Noise se poursuit après la pause. CKRL Tout le monde a été ou sera témoin d'intimidation au travail. Sauriez-vous quoi faire? Ici Mélanie Florent, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Le but de ma conférence est de sensibiliser vos équipes quant au savoir-être et au savoir-vivre en entreprise. Ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que le harcèlement en milieu de travail, les différents acteurs impliqués et les ressources à votre disposition. Pour en savoir davantage, visitez intimidationautravail.com ou 418-717-2222. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de Rick Wakeman avec sa tournée Grumpy Old Rockstar. Vivez une soirée intime et riche en anecdotes avec le célèbre claviériste des groupes Strubs et Yes dans un concert solo qui va du classique à la pop en passant par le rock de David Bowie, Yes et les Beatles. Le 27 septembre, vivez la musique à son meilleur avec l'unique et coloré Rick Wakeman. Détails au palaismontcalm.ca. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Maison de la famille de Québec, Centre Étape, Atelier de la Mézanine et Centre Jacques Cartier. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Hi, I'm Alessandro and I'm the Serenoise guitar player and I'm going to talk a bit about the song Her that I wrote. It is probably the most melancholic and mellow song of this record, and the lyrics written by Francesco tackle a very important theme, which is anorexia, and describe this disorder from the point of view of an anorexic person. The song starts with only a clean guitar and the vocals. As the song goes on, more and more instruments build up, preparing for the chorus, where there is also a string part in the background. After that, there is a short bridge with only the acoustic guitar and a dreamy vocal part with a lot of reverb. After that, we have another verse and a chorus, which are followed by a melodic electric guitar solo. Of course, the first thing that everyone will notice is that there is another singer apart from Francesco. In fact, the chorus and the bridge are sung by Laura Mead of Eats. We listened to Laura's voice during Terra Incognita 2018 when we were invited to play, and we were really impressed. So when we decided to have a guest vocal on this song, we contacted her and she was very kind and accepted to help us. John Galganovitz was involved too because he engineered Laura's vocals. We are very proud to have her on our record because she really has a great voice and in our opinion it fits the song just perfectly. So enjoy the song and I hope you like it. Sweet sadistic smile, one I didn't know I had. After months that you realize they're talking with a skeleton. Vivid crimson blood, I have nothing else to give. Confirmation once again, I will never be enough. What have I reached? Is there an end to this? What do I want? Enemy of myself, I'm dissolved with oversight. An obsession, you would say. The screaming of a muzzled mind, fully anesthetized. Pleasure is a memory. Please make my body disappear. Eradicate the dirt inside. What have you reached? Will you be satisfied in the end? que tout le monde va être d'accord. Quelle magnifique voix. Laura Mead, donc, invitée spéciale pour une pièce du nouveau Cellar Noise qui a pour titre Nautilus. C'est ce qu'on écoute depuis le début de l'émission. C'était la dernière. Donc, on remercie le groupe pour leur collaboration. Et le disque va être lancé la semaine prochaine, vendredi prochain, le 20 septembre. On poursuit, on va aller faire un petit tour du côté de l'Italie avec un disque que je viens de découvrir et que j'aime beaucoup. Le groupe a pour nom A Lifelong Journey. Et je pense, je vais peut-être me garder, on va peut-être en mettre deux, mais en tout cas, j'adore ce groupe-là. On y va donc avec A Lifelong Journey, un groupe d'Italie. Le temps de vous rappeler que vous êtes à l'écoute de Terra Incognita, évidemment, sur CKRL 89.1. Sound. The footsteps that I take change my ground. What I feel behind my back is the fear of breaking bounds. The sun is rising, don't look back. Don't you bring me in your journey. I'm the ghost of what you wear. I'm a shadow, a forsaken friend. Leave me now, let me go. I need to carry on. Stay away, all alone. There's a world inside my head of emotions never felt. It keeps me company through the night. When the light starts to fade and the darkness there awaits, the moonlight warns you. Stay awake, don't let me get inside. Rescue me,

le 17 septembre. Vivez la musique à son meilleur avec le John Medeski's Mad Skillet. Détails au palaismontcalm.ca. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. De retour. Oui, on va jeter un petit coup d'œil avant de continuer, évidemment. Ce qu'on vient d'entendre avant les pauses publicitaires, c'était le nouvel album de Ass Froberg, le chanteur de Flower King. Ass Froberg and the Musical Companion de l'album Parallel Life, quatrième disque. Et puis les quatre disques, je dois dire, qui sont vraiment solides. Les quatre, il mène une carrière peut-être un peu plus discrète en solo, mais Ass Froberg, la qualité est au rendez-vous donc pour ces quatre albums. On a écouté une pièce donc du plus récent Parallel Life qui est paru cette semaine, il y a deux jours en fait, le 12 septembre. Et puis avant, on avait d'Italie, A Lifelong Journey, de l'album A Lifelong Journey. On va aller faire un petit tour. On parlait de parution. Ben, la semaine prochaine, le vendredi encore, le 20 septembre, il va y avoir une nouveauté britannique du groupe Capricar. Je vais recommencer ça parce que là j'ai Capricars Constant. L'album aura pour titre Depth of Field. Et tout comme pour le premier, on va avoir comme invité spécial, je pense qu'il fait partie du groupe maintenant officiellement, là, David Jackson, l'ancien saxophoniste de Vandergraff Generator, qui joue sur 6 des 7 pièces de cet album-là. Et invité très spécial pour une des pièces, Ian Anderson de Jethro Tull, c'est sa flûte qu'on entend. Donc, on va l'entendre ce soir parce qu'on passe 2 pièces de ce nouvel album qui devrait paraître, comme je vous le dis, le 20 septembre. On y va donc avec cette nouveauté britannique de Capricars Constant. Trapped in the windows.

Night shade. fare. Cielo vano, cielo lontano come un canto, e non so per quanto. Domani col carro del sole andrò vestito di vento, andrò col cuore contento, andrò da lei vestito d'amore. Cielo vano, cielo lontano, è come un canto, e non so per quanto. Ma domani la vedrò, la porterò sui campi di grano, l'amerò parlando di piano. Di rosa un pensiero, una giovane sposa. Show us everyone. CKRL 89.1. À Québec. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les Remparts, le Rouge et Or, les Capitales, le sport scolaire et professionnel. Première Loge Sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Et le but! Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard, en compagnie de mes différents chroniqueurs, je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30, Première Loge Sport. Cette émission vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. 1188 Première Avenue Limoilou, 418-529-7988. Alimentex.ca. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Ad Astra, Le Chardonneret, Downton Abbey, La Grand-Messe, Il pleuvait des oiseaux, The Goldfinch et Vers les étoiles. Et au Clap Loretteville, Ad Astra, Aquarella, Arnaque en talons, Le Chardonneret, Hustlers, Il pleuvait des oiseaux, The Goldfinch et Vers les étoiles. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma! À découvrir pour la rentrée au Palais Montcalm, Maison de la musique, le seul concert au Canada du John Medeski's Mad Skillet le 17 septembre, une soirée intime avec le coloré pianiste et compositeur britannique Rick Wakeman le 27 septembre, une version revisitée de Light as a Feather de Chick Corea avec le quintet Touin, Caron, Rieu, Brochu et Egan le 3 octobre. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. De retour, donc. On va jeter un petit coup d'œil à l'arrière. Il y avait, pour conclure la dernière demi-heure, il y avait un groupe. Ça, j'ai fait des fouilles un peu là, cette semaine, quand la pluie me rendait un peu inactif. Je parle à l'extérieur, évidemment. Je fouillais dans mes boîtes et je suis tombé sur ce disque-là, CETI, un groupe chilien. Le disque est paru en 2010, c'est Discovery. C'est le projet d'un multi-instrumentiste claviériste, Claudio Momberg, du groupe Subterra. J'étais heureux de redécouvrir ce projet. Donc, CETI, S-E-T-I, ça nous vient du Chili. Monsieur Momberg a fait 3 disques, Live Sign en 2005, Bold Travels est en 2016. Donc, on peut penser qu'il est encore actif. Parce qu'il y a quand même 5 ans qui séparent le premier du deuxième. C'est qu'on est juste à 3 du dernier. Donc, il y a encore des chances qu'on ait un nouveau CETI à un moment donné. Avant, ça nous venait d'Italie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je vais avoir bien de la difficulté parce que à prononcer le nom, je pense que je vais quasiment Sfaraton. Sfa, c'est S-F-A-R-A-T-T-H-O-N. Sfaraton de l'album Appunti di Viaggio. Avant, on avait ça, c'est mon disque préféré de ce groupe, Travis, The Invisible Band, ça c'est le titre de l'album, et on avait amorcé avec Capricars Constant de l'album Death of Field qui va paraître le 20 septembre, donc vendredi prochain. On en parle et je vous avais dit qu'on aurait une deuxième pièce. Cette fois-ci, c'est avec, je pense que David Jackson est sur cette pièce-là, sauf erreur. Mais on a aussi Ian Anderson à la flûte, invité spécial. Donc, un second extrait de Depth of Field de Capricars Constant. Alas, the trippers, and now mere ghosts. The railway took them down to the coast. Seaside town stole London's trade. The rush of vision drift away. You can build it high, build it grand, But in the end it turns to sand. You can build, but when all's said and done, it comes to naught if they don't come. The Italian esplanade unloved, the hermit's cave, the bear pit closed, Greek temples burn your home, shunned in favor of the winter storm. Jeremiah's vision, a place for all, buried under crossrail spoil. Campsite houses set to feed a housing shortage, people's need. You can build it high, build it grand, but in the end it turns to sand. You can build, but when all is said and done, it comes to naught if they don't come. But let's not dwell on the garden's fate. There's one last show. Happy day slips away. Just time to catch the show in the bijou below. Before our eyes, Gallini flies, but one little man steals the show. Born stands 4'6". Tin whistle dancing, our gaze firmly fixed. The big boot dance, the perfect clown. A golden buzzer hammers down. Come. Say hello, little Titch just stole the show. Come down, say hello, Alice waits, we have to go. Come down, say hello, little Titch just stole the show. Come down, say hello, Alice waits, we have to go. A long and lovely autumn day was closing slowly, dim and grey, as up the Thames a good ship bore twixt Essex and the Kentish shore. While all on board were glad and gay, rejoicing in their holiday, the little children laughed and smiled, the old with talk the time beguiled. And as the evening closed in shade, the song arose from youth and maid, and the pale moonlight's flickering glance shone on the blithe and merry dance. None thought of danger or of fear, for each one knows that home is near. When hark, a crush, a crash, a cry, a horrid shriek of agony. The smiling babe, the laughing child, are clasped by mothers frantic, wild. No more of dance, no more of song, among the mad, distracted throng. 5 minutes and five more have passed. Time never seemed to fly so fast. And darkness and deep silence fall, for death and night all shadow all. The rapid current of the Thames, 700 wretched victims claims. 700 that an hour ago looked on the sunset's ruddy glow, and little dreamed that to their eyes that sun should nevermore arise. Oh, what a close to such a day! Their homes scarce one short hour away, homes they shall never enter more, for death has locked and barred the door. And the dark river's muddy waves now roll o'er many a hundred graves. For death has locked and barred the door. Stop. with you, purify the air. There are a million things you can be today, 'cause we have come too far to throw it all away. Change it, we have the power to light our darkest hour. We can make a difference. Who is our God now? We got to make it better. We cannot live forever. We got to learn to treasure d'un disque qui devrait paraître, je pense, d'ici deux semaines, une nouveauté britannique, Chasing the Moon, de l'album No Ordinary World. C'est un projet d'un des musiciens, Ian Jones, de Karnataka, le groupe folk prog british. Donc, d'ici deux semaines, je pense. Écoutez, c'est déjà le temps de vous laisser. On vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute. Et puis, revenez-nous, même heure, même poste, la semaine prochaine. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL. Communication. Culture. À découvrir pour la rentrée au Palais Montcalm, Maison de la musique, le seul concert au Canada du John Medeskiz Matt Skillet le 17 septembre. Une soirée intime avec le coloré pianiste et compositeur britannique Rick Wakeman le 27 septembre. Une version revisitée de Light as a Feather de Chick Corea avec le quintet Touin, Caron, Rieu, Brochu et Egan le 3 octobre. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. C'est la rentrée à la brasserie artisanale La Korrigane et on t'a concocté une nouvelle programmation. Tout au long de l'automne, venez apprendre, découvrir ou vous amuser avec nous autour d'une bonne bière artisanale. Impro, soirée dansante, conférences, spectacles, projections de films, parties, il y en aura pour tous les goûts. Pour plus d'infos, korrigane.ca. La Korrigane, au cœur de la vie du quartier Saint-Roch. Besoin d'une nouvelle cuisine, salle de bain, amélioration de votre walk-in ou tout simplement d'avoir un meuble sur mesure? Faites affaire avec Signé l'Atelier. Ouvert depuis 20 ans, nous sommes situés au 400 rue des Rocheuses. Notre entreprise n'existe pas seulement pour vos projets, elle existe pour aider la communauté sourde au Québec, car tous nos profits sont versés à la Fondation des sourds du Québec. Faites vos rénaux pour la bonne cause. On vous attend. Les mots de Clémence, là où triomphe la tendresse, virevolte la rime et s'accroche le rire. Adieu, adieu, Berthe la ronde. Les 20 et 22 septembre prochains, plongez dans l'univers poétique et musical de Clémence Desrochers lors du spectacle laboratoire Clémence à fleurs de mots, présenté au Café Théâtre Yves-Jacques, 6 rue de la Vieille Université dans le Vieux-Québec. Cet été, je ferai un jardin. Avec Nathalie Bissonnette, Erika Gagnon, France Huot, Daniel Marcoux et Fabrice Métivier. Info et billets, Clémence à fleurs de mots avec un S, @gmail.com. Ou encore le 581-988-8507. 581-988-8507. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de Rick Wakeman avec sa tournée Grumpy Old Rockstar. Vivez une soirée intime et riche en anecdotes avec le célèbre claviériste des groupes Strubs et Yes dans un concert solo qui va du classique à la pop en passant par le rock de David Bowie, Yes et les Beatles. Le 27 septembre, vivez la musique à son meilleur avec l'unique